Ray Bradbury, Le Martien. Lu par Jean-Charles Disazzo. Les montagnes bleues s'élevaient dans la pluie, et la pluie tombait dans les longs canaux. Le vieux Lafarge et son épouse sortirent de leur maison pour la regarder. La première averse de la saison, fit observer Lafarge. Ça fait plaisir, dit sa femme. Elle est la bienvenue. Ils refermèrent la porte. À l'intérieur, ils se réchauffèrent les mains au-dessus du feu. Au loin, par la fenêtre, ils apercevaient les flancs luisants de pluie de la fusée à bord de laquelle ils avaient quitté la terre. « Je n'ai qu'un regret, » dit Lafarge en contemplant ses mains. « Lequel ? De ne pas avoir pu emmener Tom avec nous. Enfin, chérie. Oui, je ne vais pas remettre ça, excuse-moi. Nous sommes venus ici pour profiter de nos vieux jours en paix, pas pour penser à Tom. » Il y a si longtemps qu'il est mort. On devrait essayer de l'oublier, lui et tout ce qu'on a laissé sur la terre. Tu as raison. Je n'en parlerai plus. C'est simplement que j'ai la nostalgie de nos balades en voiture du dimanche, quand on allait à Greenlawn Park mettre des fleurs sur sa tombe. C'était nos seules sorties. La pluie bleutée tombait doucement sur la maison. À 9 heures, ils se mirent au lit et restèrent allongés, tranquilles, la main dans la main. Lui 70 ans, elle 75, dans la nuit pluvieuse. « Anna, » fit-il à voix basse. « Oui ? Tu n'as pas entendu quelque chose ?» Tous deux écoutèrent la pluie et le vent. « Rien, » dit-elle. « Mais quelqu'un qui sifflait ?»« Non, je n'ai pas entendu. » Je vais quand même aller voir. Il enfila sa robe de chambre et alla jusqu'à la porte d'entrée. Il hésita un instant, puis il l'ouvrit en grand. La pluie lui mouilla le visage, glacé. Le vent soufflait. Dehors se dressait une petite silhouette. Un éclair fendilla le ciel et fit passer une lueur blanche sur le visage qui observait le vieux Lafarge, debout sur le seuil. Qui est là ? Lança-t-il en tremblant. Pas de réponse. Qui est-ce ? Qu'est-ce que vous voulez ? Toujours pas un mot. Il se sentait très faible, épuisé, engourdi. Et qui êtes-vous ? Cria-t-il. Sa femme surgit derrière lui et lui prit le bras. Mais pourquoi cries-tu ? Il y a un petit garçon dans la cour qui ne veut pas me répondre, chevrota le vieil homme. Il ressemble à Tom. Viens te coucher, tu rêves. Mais il est là. Regarde toi-même. Il fit bailler un peu plus la porte à cet effet. Le vent froid soufflait. La pluie fine arrosait le sol et la silhouette immobile fixait sur eux un regard lointain. La vieille femme se figea sur le seuil. Allez-vous-en, dit-elle en agitant la main. Allez-vous-en! « Est-ce qu'on ne dirait pas Tom ?» demanda le vieil homme. La silhouette ne bougeait pas. « J'ai peur, » dit la vieille femme. « Ferme la porte et viens te coucher. Je ne veux pas me mêler de ça. » Elle disparut dans la chambre à coucher en maugréant entre ses dents. Le vieil homme resta sur place dans le froid que le vent faisait pleuvoir sur ses mains. « Tom, si c'est toi, « si par hasard c'est bien toi, Tom, je ne mettrai pas le verrou. Et si tu as froid et que tu veuilles venir te réchauffer, entre un peu plus tard et étends-toi près du feu. Il y a des carpettes de fourrure. » Il referma la porte, mais sans la verrouiller. Sa femme le sentit se remettre au lit et frissonna. « Quelle nuit affreuse! Je me sens si vieille !» sanglota-t-elle. « fit-il d'une voix apaisante avant de la serrer dans ses bras. « Allez, dors !» Elle finit par s'endormir. matin, le soleil était brûlant. Monsieur Lafarge ouvrit la porte du salon et jeta un rapide coup d'œil circulaire. Il entreprit d'aller chercher un seau d'eau claire au canal pour faire sa toilette. Sur le seuil de la porte, il faillit renverser le jeune Tom, qui rapportait déjà un seau rempli à ras-bord. « Bonjour, papa. »« Bonjour, Tom. » Lafarge n'en croyait pas ses yeux. L'enfant se comportait le plus naturellement du monde. « Tom, comment es-tu arrivé ici? Tu es vivant ?»« Je ne devrais pas ?» L'enfant leva les yeux vers lui. « Mais, Tom, Green Lawn Park, tous les dimanches, les fleurs et... » Lafarge fut obligé de s'asseoir. L'enfant vint se tenir devant lui et lui prit la main. Le vieil homme sentit le contact des doigts chauds et fermes. « Tu es vraiment ici? Ce n'est pas un rêve ?»« Et tu veux que je sois ici, non ?» L'enfant semblait inquiet. « Oui, oui, Tom. Alors pourquoi poser des questions? Accepte-moi. »« Mais ta mère, le choc ?»« Ne t'inquiète pas pour elle. Pendant la nuit, je vous ai chanté des chansons. Comme ça, vous m'accepterez mieux, surtout elle. Je sais quel choc ça peut être. » « Attends qu'elle arrive, tu verras. »« Bonjour, vous deux !» La mère sortit de la chambre à coucher en relevant ses cheveux en un chignon. « Quelle belle journée, n'est-ce pas ?» Tom se retourna et rit au nez de son père. « Tu vois ?» Ils firent un déjeuner délicieux, tous les trois, à l'ombre derrière la maison. Madame Lafarge avait déniché une vieille bouteille de vin de tournesol qu'elle avait mise de côté, et ils en burent tous un peu. Tandis que maman débarrassait, Lafarge se pencha vers son fils et lui demanda en confidence « Quel âge as-tu à présent, fiston ?»« Enfin, papa, tu ne le sais pas. Mais 14 ans, bien sûr. »« Qui es-tu en réalité ?»« Tu ne peux pas être Tom. Mais tu es quelqu'un. »« Qui ?»« Non !» Effaré, l'enfant porta ses mains à son visage. Tu peux me le dire. Je comprendrai. Tu es un martien, n'est-ce pas? J'ai entendu des histoires sur les martiens. Des histoires d'après lesquelles les martiens seraient devenus très rares et prendraient l'apparence de terriens lorsqu'ils viennent parmi nous. Il y a quelque chose en toi. Tu es Tom. Et tu n'es pas vraiment lui. Tu ne peux vraiment pas m'accepter et te taire, s'écria l'enfant, ses mains lui masquant complètement le visage. « Ne doute pas, je t'en supplie, ne doute pas de moi !» Il se détourna et quitta la table en courant. « Tom, reviens !» « Où s'en va Tom ?» s'enquit Anna en revenant chercher ce qui restait de vaisselle. Elle regarda son mari dans les yeux. « Tu lui as dit quelque chose qui l'a contrarié ?»« Anna, » dit-il en lui prenant la main. « Anna, tu ne te souviens de rien ?» Green Lawn Park, une pierre tombale, la pneumonie de Tom. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Elle se mit à rire. N'y pense plus, dit-il calmement. À 5 heures du soir, alors que le soleil déclinait, Tom revint. Il adressa un regard hésitant à son père. Tu vas encore me poser des questions ? L'interrogea-t-il. Aucune. Sourire éclatant de l'enfant. Chouette! Où es-tu allé? Aux abords de la ville. J'ai failli ne pas revenir. J'ai failli me faire... L'enfant cherchait le mot juste. Me faire piéger. Comment ça, piéger? Je suis passé devant une petite maison en fer blanc et j'ai eu l'impression que je n'allais jamais pouvoir vous revoir. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'est impossible. Je ne vois pas ce que je pourrais te dire. Même moi, je n'y arrive pas. C'est bizarre, je ne veux pas en parler. Alors n'en parlons pas. Va plutôt faire un brin de toilette, c'est l'heure du dîner. L'enfant partit en courant. Une dizaine de minutes plus tard, une barque arriva sur les eaux calmes du canal, transportant un grand échalas qui la faisait tranquillement avancer à l'aide d'une perche. « Bonsoir, camarade Lafarge, » dit-il en cessant de pousser. « Bonsoir, Saul. Quoi de neuf ?»« Toutes sortes de choses ce soir. » »« Tu connais ce type du nom de Nomland qui vit au bord du canal dans la cahute en fer blanc ?» Lafarge se raidit. « Oui. » « Tu sais quel genre de canaille c'était ?» Le bruit a couru qu'il avait quitté la terre parce qu'il avait tué un homme. Saul prit appui sur sa perche humide et fixa Lafarge. « Tu te souviens du nom de l'homme qui l'a tué ?»« Gillings, non ?»« C'est ça, Gillings. »« Eh bien, il y a environ 2 heures, Nomland s'est précipité en ville en criant qu'il avait vu Gillings, vivant, ici sur Mars, aujourd'hui, cet après-midi. » Il a essayé de se faire boucler en prison pour se protéger, mais on n'a pas voulu de lui. Alors Nomland est retourné chez lui il y a de ça 20 minutes, à ce que j'ai entendu dire, et il s'est fait sauter la cervelle. J'arrive tout juste de là-bas. « Tiens, tiens, » fit Lafarge. « Il se passe de drôles de choses. Eh bien, bonne nuit, Lafarge. »« Bonne nuit, Saul. » La barque s'éloigna sur les eaux paisibles du canal. « Le dîner est prêt, » annonça Anna. Monsieur Lafarge s'assit devant son assiette et, couteau en main, scruta Tom. « Tom, » dit-il, « qu'est-ce que tu as fait cet après-midi ?»« Rien, » fit Tom, la bouche pleine. « Pourquoi ?»« Pour savoir, c'est tout. » Le vieil homme glissa un coin de sa serviette de table dans son col. À 7 heures du soir, Anna voulut aller en ville. « Il y a des mois que je n'y ai pas mis les pieds, » dit-elle. Mais Tom refusa. « J'ai peur de la ville, » dit-il. « Des gens, je ne veux pas y aller. » « En voilà des idées. Un grand garçon comme toi. Mais je ne veux pas entendre ça. Tu vas venir, c'est décidé. » « Anna, si le petit ne veut pas... » commença le vieil homme. Mais il était inutile de discuter. Elle les poussa dans le bateau, et ils remontèrent le canal sous le ciel étoilé. Tom couché sur le dos, les yeux clos, impossible de savoir s'il dormait ou non. Lafarge ne le quittait pas des yeux, pensif. « Qui est cet être, songea-t-il, qui a tout autant besoin d'amour que nous ? Qui est-il ? Et comment se fait-il que... surgit de sa solitude, ils viennent dans le camp étranger en adoptant la voix et le visage du souvenir et restent parmi nous, enfin acceptés et heureux. De quelle montagne sort-il ? De quelle grotte ? De quelle ultime petite race d'autochtones ayant survécu à l'arrivée des fusées venues de la Terre ? Le vieil homme secoua la tête. Impossible de répondre. En tout cas, c'était Tom. Lafarge regarda la ville au loin et se sentit pénétré d'un vague malaise. Puis il se remit à songer à Tom et à Anna et pensa « Peut-être est-ce une erreur de ne garder Tom qu'un peu de temps, alors qu'on ne peut en attendre qu'ennui et chagrin. Mais comment renoncer à ce que nous avons souhaité par-dessus tout, même s'il ne doit rester qu'un jour avant de disparaître, creusant encore le vide, assombrissant encore les nuits, rendant les pluies nocturnes encore plus pénétrantes ?» « Non. Autant nous faire rendre gorge que d'essayer de nous enlever cet enfant. » Lafarge aida sa femme et son fils à descendre du bateau. « Nous y voilà. » Anna sourit aux lumières, écouta la musique qui venait des cabarets, les pianos, les phonographes, regarda les flâneurs qui se promenaient bras dessous dans les rues bondées. « Reste près de moi, » murmura Tom. « Je ne veux pas être pris au piège. » Lafarge s'aperçut que l'enfant lui avait pris la main. Il la serra. « Je ne te lâche pas, mon petit Tommy. » Il regarda la foule qui allait et venait, et cela l'inquiéta lui aussi. « On ne restera pas longtemps. »« Ça ne rime à rien. Nous allons passer la soirée ici, » dit Anna. Ils traversèrent une rue et 3 ivrognes qui donnaient de la bande leur rentrèrent dedans. S'ensuivit une bousculade, une séparation, quelques demi-tours, et Lafarge se figea, tout étourdi. Tom avait disparu. Et où est-il passé ? Demanda Anna d'un ton irrité. Il faut toujours qu'il file à la première occasion. Tom ! Appela-t-elle. Lafarge s'empressa de se frayer un chemin dans la foule, mais Tom s'était volatilisé. Il reviendra. Il sera au bateau quand on partira, dit Anna en toute conviction en pilotant son mari vers le cinéma. À 11 heures, Tom n'était pas à l'embarcadère. Madame Lafarge devint très pâle. « Allons, maman, dit Lafarge, ne t'inquiète pas. Je vais le retrouver. Attends ici. Dépêche-toi. » Sa voix se perdit dans les ondulations de l'eau. Il partit dans les rues nocturnes, les mains dans les poches. Tout en marchant, il se souvint des allusions répétées de l'enfant au piège qui le guettait, de sa peur des foules et des villes. Cela n'avait aucun sens, songea le vieil homme avec lassitude. Peut-être le gamin était-il parti pour toujours. Peut-être n'avait-il jamais existé. Lafarge s'engagea délibérément dans une ruelle, fixant son attention sur les numéros. « Salut Lafarge !» Assis sur le pas de sa porte, un homme fumait la pipe. « Salut Mike. Tu t'es disputé avec ta femme? Tu te balades en attendant que ça passe ?»« Non, je me promène, c'est tout. » « T'as l'air d'avoir perdu quelque chose. »« À propos, on a retrouvé quelqu'un ce soir. »« Tu connais Joe Spaulding ? Tu te souviens de sa fille Lavinia ?»« Oui. » Lafarge eut soudain très froid. On aurait dit un rêve qui se répétait. Il savait déjà ce qui allait suivre. « Lavinia est revenue ce soir, » dit Mike avant de tirer sur sa pipe. « Tu te rappelles, elle s'était perdue au fond des mers mortes il y a à peu près un mois. » On pensait avoir retrouvé son corps, salement abîmé, et depuis, ça n'allait plus très bien chez les Spaulding. Joe racontait partout qu'elle n'était pas morte, que ce n'était pas son cadavre. Faut croire qu'il avait raison. Ce soir, Lavinia a reparu. Où ça ? Lafarge sentit son souffle se précipiter, son cœur s'emballer. Dans la grande rue ! Les Spaulding étaient en train d'acheter des billets de cinéma. Et là, tout à coup, dans la foule, ils voient Lavinia. Ah, tu parles d'un choc. Elle ne les a pas reconnus tout de suite. Ils l'ont suivie sur la moitié d'une rue et ils lui ont parlé. Alors elle s'est souvenue. Tu l'as vue ? Non, mais je l'ai entendue chanter. Dire que je la croyais morte. Mais la voilà revenue et tout est pour le mieux. Dis donc, t'as pas l'air dans ton assiette. Tu ferais bien d'entrer que je te serve un coup de whisky. Non, merci, Mike. Lafarge s'éloigna. Il entendit Mike lui souhaiter bonne nuit mais ne répondit pas. Les yeux fixés sur le bâtiment de 2 étages où des grappes cramoisies de fleurs grimpantes martiennes recouvraient le toit de cristal. Peu après, une jeune fille de 18 ans ou plus, très jolie, sortit sur le balcon. Lafarge l'appela dans le vent qui se levait. La jeune fille se retourna et regarda en bas. « Qui est là ? » lança-t-elle. « C'est moi, » dit le vieil homme, et prenant conscience de l'absurdité de sa réponse, il se tut, pour se contenter de remuer les lèvres. Devait-il crier « Tom, mon fils, c'est ton père !» Comment lui parler ? Elle le croirait fou et alerterait ses parents. La jeune fille se pencha dans la coulée de lumière. « Je vous connais, » répondit-elle en sourdine. « Je vous en prie, allez-vous-en. » Vous ne pouvez rien y faire. Mais il faut que tu reviennes. Ces mots échappèrent à Lafarge avant qu'il puisse les ravaler. La silhouette baignée de lune se retira dans l'ombre, plus d'identité, rien qu'une voix. Je ne suis plus votre fils, dit-elle. On n'aurait jamais dû venir en ville. Anna attend à l'embarcadère. Je regrette, fit doucement la voix. Mais que puis-je faire ? Je suis bien ici, aimé autant que vous m'aimiez. Je suis ce que je suis et je prends ce que je peux. Maintenant, il est trop tard, ils me tiennent. Tu es Tom, n'est-ce pas ? Tu n'irais pas te moquer d'un vieillard. Tu n'es pas vraiment Lavinia Spaulding. Je ne suis personne. Je ne suis que moi-même. Où que je sois, je suis quelque chose, et là, je suis quelque chose à quoi tu ne peux rien. Et tu n'es pas en sécurité en ville. Tu serais mieux là-bas, près du canal, où personne ne peut te faire de mal, plaida le vieil homme. C'est vrai. La voix hésita. Mais maintenant, je dois tenir compte des gens qui habitent cette maison. Comment réagiront-ils demain matin si je suis reparti, et pour de bon cette fois ? Ils sont cinq dans la famille. Ils supporteront mieux de te perdre. Je vous en prie, dit la voix. Je suis fatigué. La voix du vieil homme se fit plus dure. Il faut que tu viennes. Je ne peux pas laisser Anna souffrir encore une fois. Tu es notre fils. Tu es mon fils et tu nous appartiens. Non, je vous en supplie. L'ombre tremblait. Tu n'appartiens pas à cette maison ni à ces gens. Non, ne m'imposez pas ça. Tom, mon fils, écoute-moi. Reviens, descends le long de la glycine. Viens avec moi. Anna attend. Tu seras bien chez nous. Tu auras tout ce que tu veux. Il gardait les yeux levés, appuyant ses paroles de toute la force de sa volonté. Les ombres se déplacèrent. La glycine frémit. Enfin, la voix murmura « Très bien, papa. » « Tom. » Dans le clair de lune, la silhouette agile d'un jeune garçon descendit le long du mur végétal. Lafarge tendit les bras pour l'attraper. Au-dessus d'eux, des lampes s'allumèrent dans la maison. Une voix jaillit d'une des fenêtres grillées. « Qui est là ? » ?»« Dépêche-toi, mon petit. » D'autres illuminations, d'autres voix. « Arrêtez, j'ai un fusil. Vinnie, tu vas bien ?» Bruit de pas précipité. Le vieil homme et l'enfant traversèrent le jardin en courant. Une détonation retentit. La balle s'écrasa sur le mur au moment où il claquait le portail. « Tom, prends par ici. Je vais aller par là pour les égarer. Cours jusqu'au canal. Je t'y retrouve dans 10 minutes, mon petit. » Ils se séparèrent. Un nuage masqua la lune. Lafarge se mit à courir dans le noir. « Me voilà, Anna !» La vieille femme l'aida à monter, tout tremblant dans le bateau. « Où est Tom ?»« Il va arriver, il va arriver. » C'est alors qu'au loin, dans l'avenue baignée par le clair de lune, il vit une silhouette qui courait. Ce n'était pas Tom, simplement une forme qui courait et dont le visage paraissait d'argent à la lueur des globes qui éclairaient la place. Mais à mesure qu'elle se rapprochait, elle devenait de plus en plus familière, et au moment où elle atteignit le débarcadère, c'était Tom. Anna leva les bras au ciel. Lafarge se hâta de larguer les amarres. Mais il était déjà trop tard, car débouchant de l'avenue sur l'esplanade, arrivait maintenant un homme, puis un autre, puis une femme, deux autres hommes, Monsieur Spaulding. Tous au pas de course, déboulant à toute allure, les yeux dilatés, pour s'arrêter enfin devant l'embarcadère, une dizaine en tout. Ils jetèrent des regards frénétiques dans le bateau, crièrent. « Ne bouge pas, Lafarge !» Spaulding tenait un fusil. Ce qui s'était passé ne faisait plus aucun doute. Tom galopait dans les rues sous le clair de lune, tout seul, dépassant les promeneurs. Un agent de police le voit filer, fait volte-face, arrête son regard sur le visage, lance un nom, se met à sa poursuite. « Hé, vous là, stop !» Il a reconnu le visage d'un criminel. Et tout le long du trajet, le même scénario se reproduit, ici avec des hommes, là avec des femmes, des veilleurs de nuit, des pilotes de fusée. La silhouette agile les renvoie tous à des identités, des personnes, des noms. Combien de noms ont été prononcés au cours des 5 dernières minutes ? Combien de visages ont pris forme sur celui de Tom, tous illusoires. Tout le long du chemin, le poursuivi et les poursuivants, le rêve et les rêveurs, la proie et la meute. Tout le long du chemin, la révélation subite, l'éclair d'yeux familier, un nom ancien que l'on crie, les souvenirs d'autre temps, la foule qui se multiplie. Et maintenant ils sont tous là, au bateau. Exigeant que leur rêve leur soit rendu, tout comme nous exigeons qu'il soit Tom et non Lavinia, ou William, ou Roger, ou n'importe qui, songea Lafarge. Mais en effet, les choses sont allées trop loin. Venez ici, vous autres, leur ordonna Spalding. Tom descendit du bateau. Spalding lui saisit le poignet. Tu vas revenir à la maison avec moi. Attendez, dit l'agent de police, c'est mon prisonnier, il s'appelle Dexter, il est recherché pour meurtre. Non, sanglota une femme, c'est mon mari, il me semble que je connais mon mari quand même. D'autres voix protestaient, la foule avança. Madame Lafarge s'interposa. Et c'est mon fils, vous n'avez pas le droit de l'accuser de quoi que ce soit. On rentre chez nous de ce pas. Tom, lui, tremblait de tous ses membres. Il avait l'air au plus mal. La foule se pressait autour de lui. Des mains se tendaient fiévreusement, l'empoignaient, le revendiquaient. Tom hurla. Et sous leurs yeux, il se transforma. Il fut Tom et James, un nommé Switchman et un certain Butterfield. Il fut le maire de la ville, la jeune Judith, William le mari et Clarisse l'épouse. C'était une cire molle qui se modelait selon leurs pensées. Ils criaient, se bousculaient, imploraient. Il se remit à hurler, les mains en avant, son visage se décomposant à chaque supplique. « Tom !» cria Lafarge. « Alice !» lança une autre voix. « William !» Il lui agrippait les poignets, le faisait tourner en tous sens, quand dans un dernier cri de terreur, il s'effondra. Il gisait sur les dalles, cire fondue qui refroidissait, mille visages en un œil bleu, l'autre doré, les cheveux à la fois bruns, roux, blonds, noirs, un sourcil épais, l'autre mince, une grosse main, l'autre petite. Ils s'immobilisèrent au-dessus de lui et portèrent leurs doigts à leur bouche. Puis ils se penchèrent. « Il est mort, » dit enfin quelqu'un. Il commença à pleuvoir. Lentement, puis plus vite, ils se détournèrent, s'éloignèrent, puis se dispersèrent à toute allure. Une minute plus tard, la place était déserte. Il ne restait plus que monsieur et madame Lafarge, les yeux fixés à terre, main dans la main, terrifiés. La pluie tombait sur le visage méconnaissable tourné vers le ciel. Anna ne dit rien mais se mit à pleurer. « Viens, Anna, rentrons. Nous n'y pouvons plus rien, » dit le vieil homme. Ils rentrèrent chez eux, allumèrent un petit feu et se chauffèrent les mains. Puis ils se couchèrent et, côte à côte, frigorifiés et ratatinés, ils écoutèrent la pluie revenue fouetter le toit au-dessus d'eux. « Écoute, » dit Lafarge à minuit, « tu n'as pas entendu quelque chose ?»« Non, rien. Je vais quand même aller voir. » Il traversa à tâtons la chambre obscure et attendit un long moment devant la porte d'entrée avant de se décider. Alors il l'ouvrit en grand et regarda au dehors. La pluie tombait du ciel noir sur la cour vide, dans le canal et au sein des montagnes bleues. Il attendit 5 minutes, puis, doucement, les mains humides, il referma la porte et la verrouilla.